Ok, c'est terminé, merci. On s'enlise, ma belle cerise silencieuse, car c'est la dernière de l'été! Là, je voulais chanter, puis là, je me suis dit, j'ai des choses, enfin, c'est technique. Aimeriez-vous connaître la technicité de l'émission? Non. Alors, vous la connaîtrez pas. Ça, c'est comme un jardin secret. Vous savez, en Asie, l'Asie, c'est loin en titi, là, c'est pas... C'est très titi, bien, c'est très grand, mais c'est titi dans le sens que c'est quelque chose de d'opaque pour nous. Et qui? D'opaque. Ben, je connais Nicolas Opaque, non, c'est Nicolas Perrac. Mais opaque dans le sens de, on connaît rien! C'est comme la Russie! Les monstres, les fantômes, après la mort, lâche la mort, l'avant-dernière émission, on t'en a parlé. Et c'est vrai. On a même entendu Jacques Bebel qui disait vieillir. Les gens ne se souviennent même pas de ce qui s'est passé il y a une semaine. Avez-vous de la mémoire? C'est le quiz. Attendons, le quiz, avez-vous de la mémoire? Gaétane, avez-vous de la mémoire, vous? Non, jamais. Oui. Raconte-moi le moron. Le moron, ah ben écoute, le moron est fripon, est colon, est rond, est pont, petit patapon, rond dans le sens de rondelet, là, comme un petit porcelet. La semaine dernière, on a évoqué, pour ne pas évoquer le porcelet. Oui. Vous savez, M. Thibodeau, hein? Ouais. On vous a réveillé à 3h15. Ah oui? Ben oui! Madame Thibodeau! Vous vous souvenez plus de M. Thibodeau? Oui. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'avait pas trouvé les clés, monsieur. Mais votre femme nous a répondu, c'est vrai, hein? Ah oui? Ben, elle s'en souvient même plus. Monsieur? Ah oui? Mais madame? C'est qui, monsieur ou madame? Ah oui? C'est madame. Madame, sais-tu jouer? Madame, sais-tu jouer? Sais-tu jouer de ce piano-là? Sais-tu jouer de ce piano-là? Ting, ting, ting, de ce piano-là. Et monsieur, savez-vous danser, madame, sur le piano? Comme Elton John dans les années 80? Je ne connais pas Elton John. Elton John. Chanteur, amuseur public, rigolo, clown, musicien, homme extraverti. Oui, extraverti dans le sens de extra. Ah, verti. Êtes-vous, monsieur, extra? Ah, verti. Moi, je suis plutôt vertigineusement renfermé sur moi-même comme en 70. Hein, tous les papas, les mamans, surtout les papas. Les mamans étaient avec les enfants, les papas travaillaient très dur. Ramenait de l'eau au moulin. Notre argent servait à élever nos enfants. On les élevait à 2-3 mètres. Après ça, on les laissait aller. Arrangez-vous avec le saphir. Il y avait des clous, une planche, des clous. C'est ça, la vie. La vie est une planche remplie de clous. Saurez-vous planter votre clou? Saurez-vous planter votre clou à la mode, à la mode? Savez-vous planter votre clou à la mode de chez nous? On la plante avec le front. Frankenstein! On l'a appelé la semaine dernière, le Frankenstein. C'est quoi, c'est redondant? C'est pas redondant, c'est Raymond! Ah oui, c'est vrai. Nous sommes possédés des Raymond, oui. Quoi qu'à force de manger des Popperman, on envoie des Raymond, là. Ils sont tous morts, il reste un vivant. Puis le vivant le sait même pas qu'il l'est. Ben oui, lui, il se dit, ah, tout le monde est mort, mes frères. Il pleut sur les Raymonds. Donnez-leur la main. Le ciel des Raymonds donne un cœur chagrin. Après des années déjà, vous les avez vus, je crois, en spectacle dans un bar. Ils étaient un peu cauchemar. Avec leur fréquentation et ses étranges compagnons, vous vous disiez à la nuit même, ils vont mourir sans un « je t'aime ». Soyez au rendez-vous, 25 prix de Lagrange aux Maux. Ils vous demanderont un jour à vous voir. Soyez auprès du désespoir pour les Raymonds. Pour les Raymonds. Il pleut. Hey, pardon? Mais il mouillait. Il y avait de la pluie qui tombait dans ma tête. Juste dans ma tête. Comme disait Albin de la Simone. À qui? Albin. Mon ami Albin. Que j'ai rencontré il y a 2 ans. Un homme extraordinaire. Dans le Café Jaurès. Quand je regardais l'heure, je me suis dit, Jaurès, le temps de le voir. C'est une belle blague, C'est une blague de fin de bar. Là. Il est très tôt pour dire le fin de bar. Non, c'est open bar. Open bar. Jusqu'à 3h15. Open bar. Hey, c'est la fin d'été. En fait, pour CKRL, là, c'est une nouvelle programmation la semaine prochaine. Es-tu prêt, ma petite Germaine? Je suis prête. Tu es prête, ma petite Germaine? Je suis prête. T'es prête à quoi? Ben, prête à tout. Prête à tout. Prête à tout avec toi. Non, on dit prête à tout avec vous. Comme la chanson de c'est quoi donc? Prête à tout, prête à tout, prête à tout, prête à tout avec toi. Non, il n'y a pas de chanson là-dessus, voyons donc, c'est une invention de ta tête. Ça, c'est fou, ça, parce que normalement, une invention vient d'une tête. Ça vient pas de partout, là. Mais souvent, ça vient de partout. Ah! La semaine prochaine, avec Rita Bibelot, Gaétan de Montreuil, puis Ghislaine la vilaine. Elle aime ça qu'on l'appelle de même, parce que ça la rend importante pour elle. Bon. Accueille des fleurs, puis elle fait des recherches sur des plantes. Puis elle aimerait connaître l'histoire de la fenouille. Quoique la quenouille, elle a trop trempé dans l'eau il y a quelques années, puis elle s'en est repentie. Plus de quenouille, plus de plaisir. Quoique son gamine est comment? Son cours de... Non, c'est pas le libido. Goule de l'eau. Son goule de l'eau a perdu le goût de l'eau. Le goule de l'eau a perdu le goût de l'eau. C'est très beau. Mais merci d'être ici ce soir. Ben quoi qu'on pouvait pas être hier, maintenant, à cette heure, présentement. Ben non, complique-toi pas la vie, là. Nous sommes aujourd'hui, le vendredi de l'errance rénaldienne. Et c'est la dernière avant... Ben, moi, je dirais la dernière avant la semaine prochaine. Calme-toi un peu, là. Calme-toi. Prends ton temps. Respire par le museau. Le museau. Cherche la solution intelligente. Tu me le répéterais. Allô? Voyons. Pardon? C'est toi, là-bas, dans le noir. Silence. On cherche la solution. On va la trouver, puisque la solution se cache dans l'existence. L'existence, parce qu'il y a comme un parcours, là. L'axe. Je sais que les astrologiciennes. Non, c'est les astrologues. Et moi, je les appelle les astrologiciennes. Mais c'est pas vrai. Donne pas des titres aussi élogieux pour des choses aussi pitoyables. OK. Alors, les astrologues. C'est ça. Astrologues. Oui. Les astrologues m'ont divulgué il y a 3 semaines que Platon se cachait sous l'anus, sous Vénus. Alors, Platon se cache sous Vénus. Et je me dis que si Platon se cache sous l'anneau, qu'arrivera-t-il de la Lune? Je suis venu au monde seul, comme tout le monde. C'est seul que je continue ma vie. Non, c'est l'anneau, puis la Lune. Je pourrais répondre. Ah, la fin de l'été. Alors, sens-tu la braise, ma braiseuse? Moi, je l'ai fait tourner à 350 avec des brochettes, pas de sauce. Très, très sec, comme j'ai vécu mon été, mon beau rosaire. Oh, parce que je me suis marié avec elle au mois de mai. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est pas vraiment ce que vraiment tout ce qu'elle désirait s'est déroulé devant elle. J'ai été appelé parce que je suis un soupape-pompier. Un qui? Un soupape-pompier. Un qui? Un soupape-pompier. Alors, s'il n'y a pas de pompier, je suis le soupape. Je bénis les pompes. Vous allez bien. Puis là, elle me dit que... Pourquoi tu bénis des pompes, toi qui n'es pas croyant? Mais pas de question de croyance religieuse, là! Je crois en cette sainte eau qui sortira de ce saint boyau. Et toi aussi, ma belle chérie, lorsque tu m'as mariée, tu disais la même chose de moi-même. Suis-je pour toi un sacripant? Suis-je une chicane de ménage en direct? Suis-je pour toi un assèchement de la glotte? De la glotte. De la glotte. Oh, OK, j'ai eu peur. T'as la glotte. Glotte dans le sens de gueulotte. Le glotte. Tu connais pas le mot glotte? Gueulotte. Tu grelottes, ma chérie? Non, pas la grelotte. J'ai la glotte qui est asséchée. Et monsieur, ce soir, j'ai asséché ma gueulotte. Gointe, pointe, toin, sans toin. Hier soir, j'ai séché ma gueulotte. Toin, que toin, à toin, l'os, point. Une grotte. Non. Hier le soir, j'ai séché ma grelotte. Grelotte? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons des sentiers narratifs. La seule émission où l'animateur se veut sous la superbe... C'est quoi? Sous la superbe vision, parce qu'il a changé ses lunettes avant-hier au soir. La supervision. Du docteur m'abuse. Qui télécharge mes émissions? La Gestapose, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. Moi, j'étais dans l'état du Missouri. Mais je me suis rapidement rendu compte que si je ne sortais pas de là, j'allais me faire arrêter par la police. Puis vous savez qu'en Missouri, la chaise électrique leur sourit. Missouri? Ah oui, mais non, il n'y a pas la peine de mort à Missouri. Au Missouri, Missouri, Missouri. Missouri, Micha. Mais là, j'ai dit Micha. Micha, c'est la vie, c'est comme ça. Oh. Micha. Micha, c'est la vie, puis c'est comme ça. Oh, un, deux, trois, chat. Micha. C'est le succès, le public arrive, hein. Arrive pas, les gens s'en vont, ils ont peur de toi, arrête de chanter, t'es un comme un prolificateur de sécateurs. Comment? Un prolificateur de sécateurs. Tu coupes l'envie du monde, OK, avec le sécateur. Micha. Oh, ça fait peur. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? 2 heures et plus à travers l'errance, et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Reynald le Néant, gagné. Et maintenant, nous allons ensemble, mes chers frères, mes sœurs, les contribuables, les citoyens, les membres de CKRL et tous les autres, les brebis égarées. Désolé, bergère, j'aime pas les moutons, qu'ils soient pure laine ou en chapeau melon, il pleut, bergère. Silence, on cherche la solution. Prends garde à te garder, bergère, un jour tu vas appeler. Désolé, bergère, tu pas les moutons, qu'ils soient pure laine ou en chapeau melon, il pleut, bergère, pardon. Il pleut, bergère. Bélé. Des jolies bergères, j'aime pas aujourd'hui, le vendredi 5 septembre 2014, l'errance, les raisins, les errances, les fréquences. Moi, c'est les fréquences, les flagrances de l'errance. Ils s'en souviendront même plus. Les flagrances de l'errance, OK. Aujourd'hui, le vendredi 5 septembre 2014, l'errance, les flagrances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot ou ici-boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper, son atmosphère narrative. Oui. Pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour journaliste. Ok, Fatia Demoury est une journaliste et correspondante au Point, à RTL, au BFM-TV et cherche et également travaille au poste de Paris, à Paris. Fatima Demoury s'interroge sur le monde qui nous entoure. Elle a raison, parce que moi aussi, comme vous, chers auditeurs et auditrices, nous cherchons. En juillet 2013, Errance Renaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette jeune femme lumineuse, passionnée et brillante. Un voyage chargé pour cette nuit, cette dernière nuit estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser le générique? Non, on l'a entendu, mais la musique nous enchantait. Oui, alors place aux mots, place au lyrisme, place à l'enchantement rénaldien. On nous le souhaite, d'accord, maintenant. Malgré tout, j'ai dit on aurait pu s'en compter. Pourquoi je suis venue, c'est parce que en fait, je devais venir. Ok. Je vais venir parce que j'avais changé des chaussures chez Genève. Ouais, ils m'ont changé des chaussures pour. Mais là, tu les porteras pas avec cette chaussure. Non, parce que j'ai des chaussures, j'étais super pas contente de ces chaussures, donc j'ai fait un peu un scandale chez eux là. T'as fait un scandale? Ah oui, t'as joué à la vedette? Non, parce que. Oui, non, mais là. Ça va quoi, tu vois, tu leur achètes des chaussures. Non, non, vas-y, c'est pas grave, on coupe pas au montage, on fait du montage. Et alors, comment tu vas toi? Mais moi, je vais très bien. Qu'est-ce que tu fais à Paris? Ben moi, c'est des rencontres radiophoniques dans le cadre de mon émission. D'accord. Et là, c'était Bozy. Je ne sais pas si tu la connais, Marie-Claire Bozy. Dans les années 80, elle faisait des chansons avec Gainsbourg, avec Bachung. D'accord. Elle a une bonne tête. Oui. Puis là, aujourd'hui, elle a l'air très sympa. Oui. Mais là, son collègue fait aussi de la musique, mais ils sont arrivés actuellement vers l'astrologie, des trucs comme ça. Donc, moins cartésien, ça me rejoint un peu moins. Mais c'est pas grave, je ne l'ai pas fait pareil. Et ça me rejoint un peu. Mais toi, tu es journaliste. Oui. Indépendante. Oui, j'ai des journalistes correspondants. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, indépendant? C'est-à-dire que tu es greffé à aucune maison, aucune radio, aucune télévision? Oui, ça veut dire que tu n'as pas de contrat. T'as pas de contrat fixe, en fait. Mais tu as quand même... T'es pigiste, en fait. Mais ce qui ne veut pas dire forcément non plus que tu n'es pas affilié avec une boîte. Parce que depuis le moment où moi, j'étais correspondant, par exemple, pour RTL, et ben, c'est un engagement tout de même. Et puis, ça veut dire que tu ne peux pas... si tu es correspondant pour RTL, tu ne peux pas non plus être correspondant pour une, par exemple, une radio gauche. Okay. Voilà. Ou une radio directement. Donc, c'est pas non plus... complètement indépendant. Ok, je comprends. De ce point de vue-là. Ok. Mais d'un point de vue. Tu peux bosser pour plusieurs boîtes tant que c'est pas incompatible avec la boîte avec laquelle tu. Et tu es né à quel endroit précisément? Oui, je suis né en Algérie en fait. Et je suis né dans une ville qui s'appelle Mascara. Mascara? À l'ouest de l'Algérie, ouais. Mm-hmm. Et puis voilà, je suis arrivée en France, j'avais 9 ans. C'est tes parents qui... J'en ai 30, ouais. Oui, ben, j'en ai 46. Ben, ça se voit pas, ben, toi non plus. Mais Mascara, c'est quand même bien comme nom. C'est quand oui, même, c'est la ville du vin. Oui. C'est le vin. Et c'est là où le vin de Mascara, il y a beaucoup de vignes à Mascara. Mais pourquoi tu as quitté, pourquoi tes parents ont quitté pour venir ici? C'est le côté professionnel qui... En fait, c'est ma mère qui est partie... parce qu'elle avait divorcé avec mon père et puis en fait tu sais comment ça se passait un peu dans les années, enfin même c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, mais c'est plus encore dans les années 70, et quand elle a divorcé avec mon père, et bien, elle est retournée chez son père à elle, quoi, okay. Sa famille. Donc c'était un peu difficile, elle n'avait pas beaucoup de liberté, elle avait 2 enfants, puis elle se sentait redevenir un peu... comme une enfant, tu vois, et elle supportait pas ça. Donc elle a décidé de s'en aller avec une cousine qui partait à Paris. Donc elle a décidé de se sauver, en fait. De se sauver. Elle s'est sauvée, elle nous a laissé en Algérie, et puis après, 3 ans plus tard, elle nous a récupérés. Est-ce que tu l'as revue? Est-ce que tu l'as revue? Ma mère? Ouais. Oui, bien sûr, elle nous a laissé, elle s'est sauvée, enfin elle s'est sauvée. Elle avait failli chercher du boulot, etc. Et voilà, puis après, elle okay, nous a fait venir. Elle ne nous a pas abandonné. Non, voilà, okay, elle nous a quand même. Ça faisait bon, nous, quand même. Et comment tu prends ça, toi, comme aujourd'hui? Bah écoute, tu sais, c'est toujours un abandon. De toute façon, quand quelqu'un te laisse, j'avais 6 ans. Enfin, on avait 5, donc voilà, c'est quand même, elle nous a laissé quand même beaucoup de temps tout seul avec notre grand-mère. Donc, je sais que c'est pour la bonne cause, mais ça reste tout de même un moment dans la vie d'une enfant, mm-hmm. perçu comme un abandon. Et à Paris, qu'est-ce que tu as appris de ce que tu n'avais pas vu en Algérie? Ben écoute, tu sais, comme je suis arrivée toute petite, j'avais tout à voir et tout à apprendre. Mm-hmm. Mais j'étais très... à 1h30 de Paris, finalement, ben, c'est complètement différent, quoi. Mais les mœurs, les cultures aussi. Oui, une culture beaucoup plus douce ici. Ben, moi, ce qui m'avait la première fois frappée, c'était... De sentir que les gens étaient beaucoup plus doux et puis il y a aussi une espèce de politesse en France qui est un peu exacerbée mais du coup qui n'existe pas vraiment en revanche dans les pays du Maghreb où, chez nous la politesse est quelque chose de sous-entendu mais pas forcément de on dit pas je vous en prie merci à tout le champ enfin tu vois on dit pas, donc du coup ici la politesse m'a fait presque peur en fait la politesse des gens c'est ça qui m'a le plus C'est ça qui m'avait le plus frappé quand je suis arrivée en France. Enfin. Savoir vraiment ce qu'il y avait, c'était cette gentillesse qui était presque pour moi suspecte. pourquoi tu trouvais ça? Ah ben parce que, comme je te dis, je trouvais que il y avait une rudesse, oui, une rudesse en Algérie qui me semblait un peu plus franche, quelque part. Et des gens qui étaient trop gentils avec moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent, tu vois? Ils m'ont demandé quelque chose, ouais, voilà. Ok. Bah tu vois, c'était, voilà, c'était ma vision de petite fille, quand je suis arrivée ici, j'avais un rôle. Mais la condition de la femme n'est pas du tout la même? Oui, enfin le rapport à la femme est pas du tout le même. Si tu veux, il est dans les pays arabes comme il était en France dans les années 50. Encore aujourd'hui, c'est ça qui est. Bah, c'est-à-dire qu'on a il y a une relation à la femme qui est très traditionnelle en fait. C'est-à-dire une femme, ça reste encore une femme, un homme pratiquement fait bien les différenciations. Là, c'est des choses, il n'y a pas. Enfin, l'androgynie n'existe plus, n'existe pas vraiment encore dans ces pays-là et tout ça. Enfin, voilà. On est encore dans une tradition. Oui. Moi, j'ai été élevée comme, avec des valeurs de fille, etc. Par exemple, je n'ai jamais fait de vélo, je ne sais pas nager. Même à Paris. Des choses comme ça. Ben oui, mais maintenant, ça m'a rattrapée parce que tu vois, c'est mon enfant. Des trucs comme ça, je me dis, c'est. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu sais nager? Oui, j'arrive à nager, mais si tu veux, j'ai pas appris. Tu vois, on m'a pas appris à nager quand j'étais petite. On m'a pas appris à faire du vélo non plus. Pourquoi les filles ne faisaient pas de vélo et ne pouvaient pas nager? Parce que ça se fait pas. Tu vois, c'est pas un truc de filles, quoi. Les filles, alors, encore aujourd'hui, les filles en Algérie? Bah, peut-être un peu plus, mais c'est toujours. Oui. Les filles, elles font, je sais pas. Jouent à la corde. Et... Voilà, la corde et l'élastique. Mais toi, t'as jamais cherché. Pas forcément se baigner trop loin. Oui, mais t'as jamais cherché pourquoi les filles pouvaient pas faire de vélo, ils pouvaient pas. Non, parce que c'est un truc traditionnel. Bah, tu vois, les filles, même dans les années 20, ici en France, je veux dire, c'était un truc de garçon, c'est pas un truc de fille. Tu vois, c'est pas chercher très loin. Hein. Mm-hmm. Mais ça n'a pas trop changé non plus. Je pense pas que ça ait vraiment changé. Mais tu ne vois plus en Algérie, quelquefois, oui, pour tes reportages. Oui, j'y suis allée. Oui, c'est ça, j'ai vu des photos. Oui. Je suis allée faire un reportage sur Bouteflika. Mais qu'est-ce que ça te fait de retourner là-bas? Toi, tu es accueillie vraiment, tu as vraiment la. Bah, ça fait toujours. Je trouve que ça évolue bien l'Algérie. C'est un beau pays et que c'est un climat idéal. Alger, c'est superbe. Quoi. La Méditerranée, c'est magnifique en fait. Parce que l'Algérie, c'est avant tout un pays méditerranéen. Oui, mais pour ce qui est de la culture, est-ce que c'est pas un pays arabe en fait. Ouais. Donc, je vais demander un truc. Oh oui. S'il vous plaît. C'est chaud, tout à coup, là. Oui, c'est vrai, mais c'est la fin de la journée, hein, c'est un peu plus... Bon, et toi, ça me fait plaisir, tu vois. Mais moi aussi. C'est parce que tu connais Rebecca, c'est ça? Oui, mais je connais aussi beaucoup de personnes sur France Inter, Rebecca. Ensuite, qui j'ai rencontré? J'ai rencontré trois personnes de France Inter. Mais Rebecca, elle n'est pas France Inter. Oui. Rebecca. Éclectique. Ah non, je parle pas de Rebecca Manzoni, okay. Je parle de Rebecca Aishuba. Ah oui, non, ok. Non, parce que Rebecca Manzoni, je la connais pas du tout. Hein. Ok. Philippe Bertrand, que tu connais. Philippe Bertrand, je connais. Voilà, et que j'ai rencontré l'année dernière. C'est très cool, l'autre jour, je vais le voir à SCAM. Mais bon, malheureusement, j'ai eu un empêchement, mais je vais le voir bientôt. C'est un homme, ouais, très sympa. Très, très bien. Pense, hein. Oui. Donc, et toi, tu as une émission de radio au Québec? Oui, c'est sur CKRL à Québec, qui est la première radio communautaire francophone au monde. Donc, oui, les Français, les Belges, les Suisses venaient voir au tout début comment on procédait pour faire notre radio pour plus tard. Excusez-moi. Est-ce que je vais prendre... Moi, j'ai envie de prendre quelque chose... Comme un sorbet, une glace, un truc comme ça. Ben, un café gourmand, c'est... Voilà. Ouais. Merci. Et donc, c'est ça, les Français, les Suisses, les Belges venaient voir comment on faisait notre radio il y a 40 ans pour, 4 années plus tard, commencer à faire des Carbone 14, des radios qui étaient libertaires, propriétaires, anarchistes. Donc, ça vient de chez nous. Les radios libres viennent de Québec, de la ville de Québec et de CKRL qui a eu 40 ans... Une radio à Livre, par exemple? Oui. Et la radio CKRL existe depuis 40 ans. On l'a fêté en 2013, c'est 40 années. De... Et c'est toi qui en es là? Oh non, non, moi j'ai une émission de radio. Hein. Je suis producteur, réalisateur, animateur. Ça a l'air bien, c'est super. Hein. Et là, une lune. Toi qui m'entends, toi qui m'entends.

Marie s'en va. Marie, tu vas. Oh, Marie, tu vas. Oh, Marie, Marie. Oh, Marie. Marie, tu vas. Wop, bop, loo, wop, lop, bam, boom, tutti, frutti. Oh, Rudy. Tutti, frutti. Boom, I got a gal named Sue. She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She rock me to the east. She rock me to the west. She's a gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Bop, bop, loom, bop, bop, bam, boom. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. A boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Bop, bop, loom, bop, bam, boom. Hit it. Blop, bam, boom. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. A boy don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Blop, bam, boom, blop, bam, boom. Ouais, mais c'est ça, mais c'est... J'écoute, ben, je sais pas comment il faudrait que j'écoute, quand même. Ouais, mais c'est parce que, là, ce que tu vois, les vidéos, c'est le côté improvisé, OK? Et il y a aussi les rencontres parisiennes, c'est-à-dire, ça, c'est le c'est vraiment le plancher, les choses, c'est très sérieux. Mais à travers ça, les 60 autres minutes, c'est beaucoup plus à la manière de Ionesco. C'est d'improvisation, c'est des choses moins cartésiennes. Donc, on s'en va dans des improvisations souvent. C'est les mots qui amènent les idées. Donc, je ne sais jamais où je m'en vais au début. Donc, c'est à force de parler et d'amener des mots que je me dirige vers quelque chose. D'accord. Et les blocs musicaux et d'entretien, c'est ce qui fait que l'émission devient un peu plus correcte, moins explosive, parce que sinon, ce serait incroyable, ce serait punk. Donc, c'est un plancher qui me plaît beaucoup de venir ici pour rencontrer des artistes. Puis on fait découvrir des êtres, des journalistes, des chanteurs, des comédiens, des hommes de littérature, des hommes des femmes de mots, des gens comme ça. Et voilà, des journalistes aussi, comme Pierre Bertrand, comme Philippe Bertrand, comme toi, oui, comme Rebecca Mazzoni. Ah oui, et puis tu l'as reçu dans ta radio alors, là-bas ou... Qui ça, Philippe Bertrand? Mm-hmm. Oui, Rebecca Mazzoni aussi. Beaucoup de personnes, Bozzy, la chanteuse, un nouveau qui était son ami, donc qui n'était pas prévu. Et il y a plein de choses comme ça, et moi j'ai absolument rien contre. C'est une place au discours, donc il y a des gens qui peuvent se rajouter, moi j'ai aucun problème avec ça. Je me sens pas déraciné ou je me sens pas interpellé, mais au contraire, c'est un courant qui me plaît beaucoup. Donc, et ben c'est ça, toi, à travers le journalisme, tu t'es... tu as commencé à... Ben moi, je fais moi, je fais de l'international. Hein, oui, mais tu as commencé quand à vouloir... C'est de couvrir la révolution, tu vois. C'est du journalisme, vraiment. On va dire, c'est peut-être le plus... Le plus intéressant, mais aussi le plus dur dans des journalismes, je crois. Hein. Oui, mais moi, aujourd'hui, je suis rentrée à Paris, là. Je suis à Paris maintenant. Je peut te dire que je sens, enfin, je sais pas, quel que soit ce qu'on me propose maintenant dans un desk, etc., j'ai l'impression que c'est de la gnognotte à côté de ce que je faisais, quoi. Mais qu'est-ce qui t'a amené au journalisme? Un petit peu par hasard, ouais. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait des études de lettres modernes et je me destinais plutôt à être prof. De français? Oui, de français. Et en fait, j'avais besoin de travailler. J'étais à la Sorbonne, j'avais besoin de travailler parce que j'avais beaucoup d'argent et ma mère non plus. Et j'ai vu dans une radio associative. Okay. Ils cherchaient quelqu'un pour faire les flashs info, mais ils cherchaient pas quelqu'un de spécialement formé. Et puis ils payaient plutôt, si tu veux, ça me convenait, moi. Tu vois, c'était un mi-temps ou quelque chose comme ça. Et je trouvais ça, alors je me suis. J'ai fait ma candidature et puis. Finalement, on a fait des essais de voix et tout ça, et c'est moi qui ai été prise. C'était assez incroyable. Et c'est comme ça qu'après mes études, finalement, tu vois, naturellement, je me suis dirigée après cette radio. En fait, j'ai appris à poser ma voix. J'ai aussi fait des stages de journalisme à l'IPJ. Et puis voilà, c'est marrant, ça m'a... Et puis voilà, tu vois, dans le milieu du professorat et tout ça, c'est la merde, quoi. Et puis je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup poser des questions, j'étais très curieuse. Et puis plutôt à l'aise à la radio, en fait. Mais là, tu as fait moins de radio. Pardon? Mais là, tu fais moins de radio. Oui, je fais moins de radio, mais j'en ai fait beaucoup, hein, en Égypte. Hein, j'étais quand même. J'ai fait beaucoup de télé aussi. Mais je trouve que le média radio, ça me convient bien, quoi, vraiment. Là, actuellement, c'est le journalisme écrit. Là, c'est de l'écrit. Oui, je fais Ah oui, là, je suis au point. Là, oui. Mais j'espère bien... Retourner à la radio. Pourquoi? C'est la spontanéité? Je crois que j'accumule un peu tout dans ce média-là. C'est-à-dire qu'à la fois, je sais écrire et en même temps, j'ai l'impression que j'ai une aisance aussi... Devant le micro? Oui, une aisance... Ouais, au micro, j'en ai pas, mais oui, j'ai une espèce de truc qui est pas, j'ai pas trop, je suis pas traqueuse, je trouve assez naturellement, j'arrive à me mettre en accord avec le micro, et du coup, je trouve que c'est des trucs où tout ça fait que ce média-là, il y a des atouts que sur la presse écrite, je n'exploite pas. Ok, ouais. Et surtout, l'écriture est quelque chose de plus posé, donc tu peux rassurer, tu peux recommencer, tandis que lorsque tu as dit quelque chose, c'est terminé, là, c'est dit. Donc, c'est un peu moins spontané. L'écriture radiophonique, c'est moins spontané. J'écris tout, hein. Mais l'écriture radiophonique. Ok, c'est lu. L'écriture radiophonique, c'est aussi différent de l'écriture. Non, mais c'est pas improvisé devant le micro, là. Tu commences pas à... J'improvise jamais, moi. Ok. C'est très difficile. Ok. Je suis assez... cartésienne. Pas très, très forte pour ça, ok. Il faut toujours que j'écrive tout, et que même parfois, on a l'impression que je dis... Que tu viens de parler sans l'avoir écrit. Que je parle naturellement, un peu comme Daniel Mermet, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Mais finalement, j'écris tout. Donc, Alors, ça doit paraître naturel à l'écriture. Et c'est ça qui est marrant, c'est que je crois que j'ai cette qualité. Cette aisance. On m'a dit ouais. que le fait, j'écris mon truc, mais j'ai pas du tout. On n'a pas l'impression que je le lis. On a l'impression que je dis que je suis spontané. Mais dans l'écriture, est-ce que tu essaies d'exploiter ça aussi? Et l'écriture radio, c'est quand même extraordinaire. Comme tout. Non, mais même dans les journaux, est-ce que tu essaies de recréer ça, l'écriture spontanée, pour que le lecteur... Oui. Okay. Eh bien, tu as raison, parce que en fait, je pensais que c'était le quotidien, l'écriture journalistique pour un quotidien ou un hebdo qui allait m'aider peut-être pour la radio, mais finalement, ça a été le contraire. Parce qu'il m'est arrivé de passer beaucoup plus de temps à écrire un papier d'une minute qu'un papier de 7000 signes, tu vois. Parce que c'est vraiment une galère d'écrire un papier radio. C'est vrai. Et dès lors que j'y suis un peu arrivée, je ne dis pas qu'aujourd'hui encore, c'est pas encore ça, mais Maintenant, je prends du plaisir à le faire, si tu veux. Donc, avant, c'était très laborieux. Moi, je commence à prendre du plaisir. Je sais que j'ai encore des progrès à faire. Mais et c'est drôle parce que ça m'a permis, pour l'écriture, du coup, pour l'écriture journalistique, ça m'a vachement aidé. Écrire un peu plus, d'une manière un peu plus naturelle, sans que ce soit trop éparpillé avec les sources. Un peu plus punchy, tout ça. Ouais. Alors, une fois écrit, ce que tu fais, c'est très simple. Tu te relis et tu essaies de le lire à haute voix pour savoir si tout ça va couler de source et tout ça aura l'air naturel lorsque le lecteur, lui, se le mettra dans la tête et peut-être même en bouche. Parce que... C'est comme ça que tu fais, toi? Oui, ben moi, c'est parce que en même temps, tu peux voir les gens lorsqu'ils font la lecture de leur journal. Ils se le lisent. Hein? Il y a comme une lecture à haute voix où tu sens que les lèvres bougent. Hein? Et c'est ça l'intérêt, c'est de donner vie à quelque chose qui pourrait être... Et aussi d'essayer de faire comprendre des choses complexes. Ce qui se passe en Palestine, c'est vraiment pas évident. Donc, si tu peux centrer ton idée et l'amener à quelque chose de compréhensible, c'est quand même une grosse réussite. C'est un pas vers la compréhension du lecteur. Parce que le but, vraiment, c'est de... Toi, tu écris tout ou non? Ah non, non, moi c'est improvisé, moi. Ah non, moi, j'écris absolument rien. C'est un don, là. Ben, en fait, c'est le côté orateur. Je suis impressionné par ça. Ben non, c'est comme Bachung, c'est les mots qui amènent les idées. Gainsbourg, lorsqu'on lui disait, ouais, mais comment vous faites pour écrire? J'en ai aucune idée. J'utilise un premier mot qui, lui, va en enchaîner sur un autre. Donc, c'est les mots qui, tranquillement, vont dessiner quelque chose. Mais comme je disais tout à l'heure, lorsque ben moi, je fonctionne comme ça. Donc, au Québec, il y a une humoriste qui s'appelle Clémence Desrochers. Oui. Est-ce que tu la connais? J'aime bien quelque chose, le nom, ouais. OK, ben je la fais souvent sur mon Facebook. Donc, elle est... Ah, peut-être que c'est toi. Oui, oui, oui. Ouais. Et Clémence... à quelqu'un qui est sa copine, son amoureuse, qui s'appelle La Coulisse. Et lorsqu'elle improvise comme ça, elle ne se souvient plus à quel endroit elle était rendue pour enchaîner avec son texte écrit. Donc, elle prend le téléphone et appelle La Coulisse qui est en arrière-scène. Et La Coulisse lui dit, lui, elle est en train de suivre le texte. Donc, elle dit, là, t'es rendue à la petite fille. Donc, elle lui dit sur quoi elle doit enchaîner. Et là, elle enchaîne et elle repart après ça avec l'improvisation. Donc, l'impro lui fait oublier où elle était rendue. C'est ça, c'est de s'évader nous-mêmes à travers... parce que lorsqu'ils font des spectacles, c'est pas deux, trois spectacles souvent, c'est 250, 300 fois. Donc, il faut que ça ait l'air spontané. Puis souvent, lorsque ces humoristes-là arrivent à autant de facilité à parler, à intéresser les gens, ben, ils vont décoller sur autre chose qui n'est pas écrit. Donc, c'est vraiment les mots qui amènent les idées et c'est pas l'inverse. Avant d'ouvrir le micro, je sais vraiment pas de quoi il... En fait, tu improvises, tu sais ce que tu vas... Ben, en fait... Ce samedi soir, elle revenait de son usine, les bras chargés de billets bleus bien mérités. Sous les regards concupiscents de ses copines, le cœur joyeux vers son foyer, elle se hâtait. En la voyant, sa maman fut bien satisfaite. Elle lui dit, prenant son air des jours de fête, mise un chapeau, lave-toi les mains, faisons toilette. Ce soir, ma fille, nous allons bien nous amuser. J'ai fantaisie de mettre dans notre vie un petit grain de fantaisie. Youpi, youpi. Allons au cinéma du quartier. Ça serait folie de faire les frais d'une entrée, mais nous verrons la sortie. Youpi, youpi. C'est amusant de voir les gens qui en sortant ont l'air si tristes. Oh, oh, oh, si triste. Oh, oh, ce qu'on s'amuse en buvant une limonade. Oh là là, j'en suis malade. Cette semaine, il n'y a pas eu d'heure supplémentaire, a dit le comptable en lui faisant son relevé.

qui raconte le laboratoire d'improvisation qui s'ouvre. Okay, c'est soit à travers une phrase que je vais dire, ou la première phrase de Bukowski dans un livre de Bukowski. Je vais lire la première phrase, et après ça, je vais enchaîner sur une impro, et à la fin, je vais dire le titre de la nouvelle de Bukowski. Ça peut partir n'importe où. Donc, la nouvelle, je peux prendre la première phrase 15 fois. On n'arrivera jamais à la même place. Puisque la première fois, ça va m'amener à quelque part. Puis l'autre fois, ça va m'amener ailleurs. Et le titre, c'est ce qui colle à la réalité. C'est-à-dire que le début et la fin tiennent. Mais à travers ça, c'est très coulant. Donc, c'est ça le but de la manœuvre. Et c'est ça qui est libérateur. C'est de rien savoir avant. Ça peut être autant quand je ferme le micro, je passe à la chanson, je me dis hey, ça c'était excellent, ou même oh, ça c'était pas très bon. Oh. Donc on essaie de se recentrer. On sait jamais vers où ça. Tu sais, l'émission peut être excellente, comme elle peut être. Faut que je t'écoute, hein. Ben, je vais t'envoyer des liens de notre rencontre et tu vas savoir comment ce circuit-là va apparaître à travers mon émission. Mm-hmm. Ça peut être. Que tu vas faire. Alors là, t'es là pour ton émission finalement. Oui, mais je suis en vacances. Et tu viens régulièrement? À chaque année. Mais j'ai trois boulots, moi. Je fais de la radio CKRM. Ouais. OK. Mais je suis aussi. Je travaille de nuit, je suis caissier de nuit. Ah oui, en plus. En plus. Et je suis aussi aidant naturel. Tu es? Aidant naturel. Quoi, aidant naturel? Aidant naturel, c'est que ma mère est malade. Mm-hmm. Et c'est au lieu de la placer, c'est moi qui m'occupe d'elle régulièrement. Donc, je suis aidant naturel. Elle ne peut plus s'occuper d'elle, c'est moi qui m'occupe d'elle. Donc, c'est comme un enfant. On appelle ça ici son tuteur, en fait. Oui, exact. C'est ça. Donc, j'ai trois boulots. Donc, trois boulots. Mais à travers ça, il faut toujours développer l'humour. Toujours prendre ça avec un grain de sel. La vie, c'est ça. Faut rien dramatiser. C'est facile de dramatiser. De voir quelqu'un par terre, agonisant, puis surenchérir là-dessus, ça peut être... En même temps, on devrait rester calme. On devrait s'en sortir, vous allez voir. Puis c'est toujours ça, la vie. C'est de pas... Ce qui est super, en fait, de plus en plus, moi, je me rends compte que... Faire ce qu'on a envie de faire, c'est extraordinaire, quoi. Et du coup, avoir un boulot comme ça alimentaire qui te permette de vivre des choses qui... Comme ici, ça, ouais. Comme tu peux faire du boulot à la radio, par exemple. Enfin, je trouve ça génial, quoi. Et moi, j'en ai... Vraiment, tu vois, parfois, ça me traverse l'esprit. Quelquefois, c'est pas toujours... le boulot que je fais, c'est pas toujours existant. Ce que j'aurais envie de faire, finalement, je ne sais pas. Tu dis, si je bossais dans une librairie ou ailleurs, et que voilà, je pouvais... Ouais. Ça serait exactement ce que je voudrais faire, ce serait génial. Moi, je lire des livres. Le truc de lire des livres ou écrire aussi, j'aimerais beaucoup. Je trouve que nos boulots, parfois, nous bloquent. Quoi. On s'engouffre dans un truc par... C'est par besoin surtout. De reconnaissance, par, tu vois, ouais. par besoin de promotion. Et du coup, on se perd. Et moi, aujourd'hui, à 38 ans, je te dis, j'ai l'impression que parfois, je me dis, franchement, je sais pas, je me trouverais un truc sympa. Non, mais rien n'est perdu. Voilà, et puis voilà, je vais... J'en ai 46. Non, mais j'en ai 46. Non, mais vrai, je serais super heureuse, tu vois. Oui. Parce que là, c'est fini, quoi. Avec ce que je viens de traverser en Égypte, finalement tout paraît à quoi ça sert, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est d'autres réalités qui frappent. Oui, parce qui que tu vois tellement de trucs. C'est assez... La vie est dure dans certains pays. C'est dur, oui, c'est dur. Et puis voilà, tu te confrontes directement à la... Tu le prends personnel. À la vie, et puis... Même si c'est ton boulot, bah, t'es pas, toi, hein. Ouais, mais t'es humain, donc t'es dedans, t'es pas... et t'es, ouais, humaine, c'est ça. Et donc forcément, t'es à un moment ou un autre lié à ça, lié à cette révolution, lié à ces gens. La distance, elle n'est pas toujours évidente. Donc forcément, ça travaille. Et là, je suis rentrée, tu dis, la seule chose dont j'ai envie, c'est de repos. et repos physique et repos de l'esprit. Et cet été, c'est ça que tu vas faire ? Rédaction où on va te tire dessus, ou bien c'est des messes basses derrière, les uns qui se marchent sur les autres. Pour avoir un poste, il faut vraiment exploiter à merci. Et on te fait miroiter. Voilà. Donc tout ça, j'en ai un peu... Ras-le-bol. J'en ai un peu ras-le-bol. Hein. Et puis je te dis, ouais, c'est vrai que j'ai plus de reconnaissance à avoir, là. Parce que je viens de faire, pour moi, c'est un exploit extraordinaire. Donc... Est-ce que c'est reconnu ? Oui. Oui, oui, c'est clairement reconnu. Alors il y a des ouvertures qui s'offrent à toi actuellement ? C'est pas si évident que ça, mais oui, ça prend son poids. Mais tu veux rester à Paris, tu veux plus voyager ? Oui, parce que j'ai un petit garçon. Ok. De quel âge ? J'ai des petits soucis avec son père, il a 8 ans. Ok. Et j'ai pas réussi. Si j'avais réussi à l'emmener avec moi en Égypte, ça aurait été extraordinaire. On serait resté encore un an parce que je gagnais quand même bien ma vie. Quand tu multiplies tes salaires, ça va très vite. Mais malheureusement, bon, le père a été un peu trop chiant. Oh. Tu sais, c'est compliqué. Je sais pas si toi t'as des enfants ou pas, mais. Non, mais j'ai des enfants de mes anciennes copines qui ne sont pas les miens. Donc, mais quand même, c'est aussi demandant. C'est aussi demandant parce que je reste plus connecté avec les copines, mais je reste connecté avec les enfants. Eh oui. Hey, j'ai 10 questions. Ouais. Puis on va savoir vers où on va se diriger. Non, mais c'est un vrai question, mais c'est un vrai interview, là. Oh, non, c'est des rencontres. C'est un vrai traquenard. Oh, pas vraiment, pas vraiment. Mais non, c'est ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien. Si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide. Pourquoi tu riais? T'avais une idée en tête? Non, vas-y. Pas du tout. Non, ok. Pourquoi tu riais? Tu t'imaginais non, quelque chose liquide. De plus. Non, tu t'imaginais. Je ne m'attendais pas du tout à ce que tu me poses des questions. Et voilà. En fait. Je pensais prendre un café avec toi. Oh, vraiment. Mais c'est ça. Oh, oui, c'est ça. Bon, écoute, si j'étais un liquide, moi, je serais de l'eau. Hein. Ce qui va manquer bientôt. Il n'y a rien de plus sain, il n'y a rien de plus libre, il n'y a rien de plus irrigant, rien de plus vitalisant que l'eau. Et c'est ce qu'on aura plus aussi bientôt. Oui. On l'utilise comme si c'était éternel. Ça, c'est les problématiques politiques, économiques. Oui, et on vend l'eau aujourd'hui en bouteille, c'est fou en faire. Quand tu peux l'avoir. Oui, quand tu peux l'avoir gratos chez toi. Si tu étais une ville. Une ville. Une ville. Si j'étais une ville. J'avoue que j'ai pas beaucoup voyagé. Peux-tu placer ton sac ici? Merci. Bah, je serais le Caire. Pourquoi? Oui, je serais le Caire parce que je serais un côté comme ça mythique et puis usé à la fois. Et à ce côté nerveux aussi de cette ville, grandiose et aussi à la fois qui est complètement abandonnée aujourd'hui. Voilà, ce côté splendeur et aussi cette splendeur et... Le yin et le yang. Non, c'est plutôt la grandeur et la descente, quoi. Est-ce que la liberté existe là-bas? En Égypte? Oui, bien sûr, elle existe. Mais ils apprennent la liberté pour chacun n'est pas la même dans tous les pays, dans toutes les cultures, elle ne veut pas dire la même chose. C'est vrai. Et donc chacun a sa liberté telle qu'il la conçoit. Mais selon l'ONU, pas donner de leçons aux Égyptiens en leur disant ce que c'est que la liberté, les schémas que nous, les Occidentaux, on a. Parce que eux, ils ont une autre grille de lecture de ce que c'est que la liberté. Ouais. C'est bien pour ça qu'il y a un malentendu aujourd'hui dans les médias occidentaux. Quoi. Si tu étais une langue. Si j'étais une langue, je serais la langue arabe. Parce que c'est une langue à travers laquelle je cours et à laquelle je ne rattrape jamais. Parce que c'est une langue qui m'échappe. Et c'est mon grand regret, ma grande frustration. Et C'est une langue très très difficile. C'est ma langue. Et cette langue-là, je l'ai perdue, je ne sais plus à quel âge. Je pense que je l'ai bien parlé à un moment. Et puis à un moment, c'est un peu bizarre d'avoir parlé une langue et de ne plus la parler du tout. Donc bien sûr, je la parle. Hein. Tu vois, je suis allée au Caire aussi pour ça. Il y a 2 ans, j'ai repris des cours. Et ça ne sera jamais, cette langue, je ne la maîtriserai jamais autant que je maîtrise le français. C'est pour ça que c'est quelque chose, pour moi, c'est comme un truc qui m'échappe, de l'or doigts. Qui passe entre mes doigts. Et que je n'arriverai pas à saisir. Jamais, je ne crois pas. Et ça, c'est ma... Mais c'est une langue complexe ou... C'est une langue très difficile, très complexe. Je crois bien que... Enfin, on le dit souvent, hein, il n'y a guère que les arabes, les arabophones qui maîtrisent vraiment l'arabe littéraire. Hein. Parce que les arabisants, etc., c'est une langue, de, l'arabe littéraire est quelque chose de... C'est une grammaire très très compliquée, un vocabulaire extrêmement riche, avec beaucoup de nuances, de faux des... Je ne sais pas combien des siècles peut-être pour apprendre, enfin pour avoir... Pour maîtriser ce vocabulaire. Cette vie, peut-être, comme le chat. Ouais, oui. J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard, et filez vite au wagon bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition, alcool à la télévision, papier clope manque de fric, et vieillir dans les lieux publics. Partout c'est la prohibition, paroles, cris, fornication, foutre interdit à 60 ans, ou scandale et ric. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Les malades sont prohibés, on les jette dans les fossés, à moins qu'il n'apporte du blé, de la thune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli. Voici ce qui m'attend demain, si jamais je perds mon chemin. D'autres projets, vous voyez, je vais baiser, boire et fumer. Je vais m'inventer d'autres cieux, toujours plus vastes et précieux. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille sans voie ni loi, si je meurs, ce sera de joie. Cette fois en pleine journée. Un autobus et trois voitures ont été brûlés par une bande de 3 à 40 jeunes, dit-on, délinquants cagoulés à Grigny dans l'Essonne. Je vous dis une chose très simple. Ceux qui ne respecteront pas la loi, on les tapera, on les tapera, on les tapera, on les tapera. Tu étais une époque. Mmh. Une époque. Bah, je serais. Alors je serais à l'époque, peut-être au 19e siècle. Pourquoi ? À l'époque des courtisanes. Ah oui ? Oui. Parce que je trouve que c'était un très bon compromis. J'aime beaucoup ce rapport à la... Enfin, ça paraît peut-être de la provocation. Mais ce rapport de... De soumission ? Pas de soumission, mais une manière de travailler. C'est une manière de travailler comme une autre et j'aime bien le côté courtisane en fait. Je crois que ça m'aurait très bien. C'est le plus vieux métier du monde. Hein. Ça m'aurait... Oui, mais courtisane, c'est pas prostituée. Non. Donc c'est vraiment ce métier-là qui m'aurait. C'est une attitude, si tu veux. C'est comme le rock, c'est comme. Alors toi, ça serait. C'est une attitude courtisane. C'est pas être uniquement se vendre. C'est la manière dont on vit, la manière dont on se. On agit. Oui, puis la richesse autour de soi, la culture qu'on se fait. Si tu étais un mot. Moi qui aime tellement les mots, tu vois, je n'aurais pas à te dire un mot qui me plaît. Je sais pas. Tellement de mots. Je reviendrai dessus. 3 points de suspension. Si tu étais un aliment. Je n'ai jamais réfléchi à tout ça. Hein. Non, mais c'est spontané. C'est spontané. Non, un aliment. Un aliment. Oui. Ah, je serais peut-être une asperge. Ok, pourquoi ? Parce que l'asperge, c'est bon dedans, ça se voit dedans et ça se voit dehors. Ok. Alors c'est le look, c'est l'esthétique. C'est une esthétique, superbe. Est-ce que ça donne quand tu le... Quand tu la manges, tu sens tout de suite la vitalité. Ok. Quand tu vas aux toilettes, ça sent en plus. Enfin, oui. Je trouve ce truc déjà, quand j'en mange, j'ai l'impression d'être... Vivifié. D'être vivifié complètement, à tout point de vue. Si tu étais une saison. L'automne, parce que c'est une période mélancolique et moi je suis quelqu'un d'extrêmement mélancolique, malgré moi. Ah, c'est la vie qui t'a tranquillement amené vers... Oui, évidemment. La nostalgie, mélancolie. Ouais, j'ai plus mélancolique que nostalgique, mais j'ai une certaine espèce mélancolique qui est très appuyée chez moi. Donc, quelquefois, c'est difficile. Cette période-là est... C'est un côté Barbara. Si tu la connais, tu l'aimes? Oui. Mmh. Si tu étais un membre corporel? Le nombril. Ok. Au sens propre et au métaphorique aussi. Ah oui, le nombril, c'est un truc qui est superbe. Et ça peut être très laid aussi, un nombril. Ça dépend, oui. C'est bien ourlé, c'est quelque chose de bien ficelé. Et tu vois tout le corps dans un nombril. Et il y en a, c'est creux, là, le nombril creux. Oui, il y a celui qui sont creux qui ressortent. Dans le nombril, ce que j'aime, c'est parce que qu'on peut lire tout le corps dans ce. Quand tu regardes le nombril de quelqu'un, tu peux voir le reste. Mais à tout point de vue. Es-tu fière du tien? J'aime bien, oui. Ok. C'est peut-être les seules choses que j'aime bien chez moi. C'est le nombril. Oui. Mmh. Si tu étais un moment de la journée. Oui, merci. À un moment de la journée. Je serai le matin très tôt À l'aube, j'aime beaucoup. L'inspiration est présente. C'est un moment où à la fois tu peux aller te coucher, ou à la fois tu peux te réveiller aussi. C'est un moment de transition, ça dépend de quelle vie tu es, dans quelle époque de ta vie, à quel moment. Et c'est toujours un moment magique, parce que c'est toujours ce moment qui te... Tu vois, la levée du jour aussi. Cette mélancolie qui t'envoie... Toujours la mélancolie. Oui, c'est un moment qui te ramène de toute façon. Parce que quand tu es réveillé à cette heure-là, il y a forcément quelque chose. mais si tu te lèves à cette heure-là... Oui, quand tu es réveillé à cette heure-là... Des fois, il y a des occupations, surtout avec un enfant... Oui, mais je te parle vraiment l'aube. Hein. Parle 5 heures, 4 heures. 5 heures et demie, 6 heures du matin. Quelque chose avant. Ce qui se passe avant. Avant que tout se réveille. En fait. Si tu étais un autre individu. C'est-à-dire une autre personne? Un autre individu. Il n'y a rien de dirigé. Ben moi, je pense que j'aurais bien aimé être un homme, par exemple. Pour ? Parce que je pense que j'ai des côtés un peu comme ça, masculins. Et... Ouais, la veste en cuir en témoigne. Ton côté Johnny. Ah oui. Non, mais côté homme, j'aime bien. Parce que moi, je suis très féminine, et puis justement, c'est quelque chose qui... J'ai tellement, peut-être même un excès de féminité que du coup, le côté masculin, c'est quelque chose qui m'intrigue. Et j'aimerais ressentir ce que ça peut être d'être un homme, pareil. À choisir, est-ce que tu ferais le même choix? La virilité. OK. Et surtout, le comportement de l'homme vis-à-vis de la femme? Comment un homme se sent? Je pense que je serais super macho. OK. Ouais. Ben Johnny, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Misogyne. Ah ben c'est Johnny, exactement, j'avais raison. Tu vois, je suis pas très... Mais peut-être avec plus de talent. Je l'avais en tête. Je suis obligé de reprendre ma feuille. Surtout, je la dis tellement souvent. Mais c'est la dernière, donc il faut bien la terminer. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que je perdrais moins de temps. Tu veux dire au niveau professionnel ou amoureux? Au niveau professionnel, je pense. Au niveau amoureux, je gagnerais plutôt du temps, parce que moi, j'ai été très rapidement et trop souvent déjà en couple, très rapidement, quand j'étais jeune et tout. J'ai toujours vécu en couple et tout ça. Et peut-être là, oui, de ce côté-là, j'aurais préféré peut-être vivre des trucs de jeune fille et tout ça. Que tu n'as pas eu parce que tu étais rapidement. Alors c'est peut-être. Adolescente, tu sais, j'ai toujours été une femme très vite. Mais c'est peut-être aujourd'hui que tu essayes de. Ben oui, tu vois, le fait d'être partie en Égypte comme ça, c'est vrai que c'est. Normalement, tu fais ça un petit peu avant. Je l'ai fait. J'ai fait un retour un peu. Alors que je suis déjà maman, j'ai déjà été. Voilà, avec un compagnon. Enfin, j'ai vécu quand même des trucs. Ça s'installe. Alors tu as plusieurs vies. Oui, quelque part, oui. Mais je pense que j'ai quand même perdu de temps. Après, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui perdent du temps, mais ça, parce qu'on n'a pas le choix parfois. On a mal. Je pense que j'ai pas été guidée, c'est ça que je regrette. J'ai pas été assez encadrée, assez cadrée. Et ça, chacun a ça. À l'entourage qu'il a, et puis parfois ça me frustre. Oui, c'est de faire avec. Mais aujourd'hui, c'est mieux ou... Ben aujourd'hui, je pense que j'ai quand même rattrapé beaucoup par rapport à, je dirais, aux lacunes que j'avais. Hein. Mais je sens aussi que j'avance en âge, et puis j'ai l'impression de devoir speeder, quoi. Tu vois. Plus vite que les autres. C'est pour ça aussi, je crois que je suis partie faire la révolution. Parce qu'il fallait que j'aille plus vite. Il fallait que je trouve un moyen de pouvoir revenir à Paris et avoir un poste qui correspond à mon âge, à ton âge, à mon expérience. Ce que j'ai pas fait, ce que j'ai pas fait à 20 ans, je pense que je le fais là. Ouais. As-tu déjà passé vers le Québec? Non, jamais. Mais tu sais que j'aimerais beaucoup. Hein. Pour le travail ou pour voyage? Vraiment pour le voyage, j'adorerais. Ben, pour le boulot, ce serait génial. Pour Radio-Canada, on ne sait pas. Ah, non, mais j'adorerais. Mais qu'est-ce qui t'attire? C'est l'Amérique francophone? Bah, parfois, c'est des chansons. Lesquelles? Des personnages. Par exemple, je ne sais pas si tu connais. Jeanne Balibar. Oui, ben oui. Oui. Qui est chanteuse comédienne. Ouais. Il y a une chanson comme ça. Panama. Oui. Tu connais cette chanson? Oui. Je sais pas, moi, ça me. Le truc comme ça, tu dis, oh, c'est très. C'est pas tout à fait écouté, mais. Mm. C'est dans ce secteur-là. Puis il y a des, noms de villes. Vancouver, c'est oui. Ça fait rêver, quoi. C'est des trucs qui me parlent. Rien que le nom, ça me donne super envie d'y Vancouver, aller. Vancouver, c'est quelque chose qui t'anime. C'est un mot qui. Ça me. Et puis bon, évidemment, quand tu vois les Québécois, t'as toujours l'impression que c'est des gens qui sont quand même beaucoup plus détendus. Enfin, j'ai jamais rencontré un Québécois qui était antipathique. Tu vois, il y en a. Ouais, ouais, c'est ça, j'allais dire. Mais c'est marrant, c'est vraiment l'image qu'on a. C'est vrai, on a un côté chaleureux à cause de l'hiver. Hein. Ah, ouais. On n'a pas le choix. Si on veut passer l'hiver, il faut être chaleureux. Puis j'adore l'accent. Un accent superbe. On a vraiment l'impression que c'est un accent qui vient du 16e siècle, tu vois. Ben, c'était le français de d'ici. Et ça, c'est super. Ouais. Ben, écoute, j'étais heureux de te rencontrer. Ben oui. Et j'espère que ton pied reviendra à la normale. Ah oui, j'espère. Oui. Alors, on va t'envoyer tes énergies. C'est pas très grave. Ben, tu marches quand même. Non, mais j'ai pas vu que. Je peux pas mettre de talons, du coup, et ça m'emmerde. Non, mais j'ai pas vu que tu boitais, donc c'est positif. Ben, quand t'es arrivé, tu boitais pas, à mon avis. J'ai fait, ah ouais, c'est ça, quand même, on est devant un micro. Quand même, un micro qui pourrait capter l'image, on sait pas. Non, mais les micros québécois. On sait jamais. Oui, on sait pas où on est rendu. Oui, mais je vais te le montrer. Il est chouette, il est beau. C'est un agrafe que tu vois, non? Non. T'es ronchonchon, toi, t'es ronchonchon. Toi, t'es fâché, toi, t'es grincheux, toi, t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, ou je t'emmène dans la maison des ronchonchons. C'est une maison grise adossée à une mine de sidérurgie désaffectée. On y vient à pied, on a un peu peur. Les gens qui vivent là sont tous de mauvaise humeur. Y'a Jean-Pierre Ronchonchon qui raloche sans arrêt en cherchant la clé de la maison des Ronchonchons. Et Bernard Vénère qui lui crie après: qu'as-tu fait de la clé de la maison, Ronchonchon? Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve quand y'a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a perdu un truc. Qu'est-ce que t'en as fait? Si je le savais, il serait pas perdu. Et ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais t'es ronchonchon, t'es ronchonchon. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, nous approchons de la maison des ronchonchons. Jean-Pierre Ronchonchon a retrouvé la clé sous le paillasson de la maison des ronchonchons. Et Bernard Vénère lui dit: ça je savais ça, tu perds toujours ta clé sous le paillasson, et ronchonchon. Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve quand y'a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a retrouvé un truc. Je savais où c'était, si tu le savais, pourquoi tu l'as pas retrouvé toi-même? Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais t'es ronchonchon, toi, t'es ronchonchon, toi. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, nous pénétrons dans la maison des ronchonchons. On a décidé de boire l'apéritif, et dans le salon de la maison des ronchonchons, même la peau de bête semblait de mauvais poil. Pas de doute, on est bien dans la maison des ronchonchons. Là, Jean-Pierre Maugréet, en s'arrachant les tifs, constatant excédé le vin sans le bouchon. Et Bernard Vénère lui dit: je te l'avais dit, faut pas que tu t'étonnes, t'achètes ton vin chez Champion. Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve quand y'a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a acheté un truc. T'aurais bien mieux fait d'aller chez Fauchon. Décidément Bernard, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Mais t'es ronchonchon, t'es ronchonchon. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, on va dîner dans la maison des ronchonchons. Il faut une fin à cette sombre histoire, une grande morale à cette petite chanson. Si t'es trop grognard, si t'es trop ronchon, tu passeras ta soirée avec des cons. Avec des quoi? Bah des ronchonchons, genre fâché, grincheux, puis ronchon. Des ronchons quoi? Bah des ronchonchons, tu finiras par habiter dans la maison des ronchonchons. Mais des ronchons quoi? Bah des ronchonchons, du genre fâché, grincheux, puis ronchon. Des ronchons quoi? Bah des ronchonchons, tu finiras ta vie comme un ronchonchon. Et ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve, et ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve, scrogneux. plonges après le castal. Épais comme un cure-dent, on te balance à la cale. Y'a tellement de ralentons qui claquent du bec dans leur trou. À la prochaine escale, casse-toi, mais rate pas ton coup. Du business cherche un mec qui remploue ses caisses. Chaud, chaud, pas eu chaud. Prépare ton sermon, mec. On n'attend plus que toi pour la messe. Tu craches ton numéro. Bien calé sur ton dos, le délégué de la mafia. C'est qui ce zonard-là, il va faire chialer la presse. Collez-lui un crachoir et tenez-le bien en l'air. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.